Quand j'avais 20 ans, je suis parti là-bas en chantant. Ah oui, d'accord. Je n'étais pas inconscient. Je savais que c'était dangereux, mais je n'aurais pas pensé que ça dure si longtemps. Et moi, je pensais que le gouvernement allait nous épauler, et, alors qu'il faisait que nous parler à la radio en nous disant « soyez patients, faites un effort ». Mais lui, il ne faisait rien. Oui.